disais à propos de ceux qui rentrent en retard après l'intelligence et ceux qui arrivent en retard après le début de la deuxième partie? Moi, j'ai jamais rien dit à propos de ça. Alors, on va commencer. Tu serais un bon politicien. Les absents ont toujours tort. Première question. Quand mon professeur, un jour, m'a dit ça, les absents avaient tort, je me suis dit, tu sais que sont dans la classe, sont absents ailleurs, fait qu'ils ont tort aussi. Cinquième question. Avant de passer à la période de questions, j'avais un message à faire. Ceux qui, souvent après les conférences, les gens ont le goût de se parler entre eux autres, de se rencontrer. Je dois vous mentionner qu'au deuxième étage du restaurant Commensal, au coin de Saint-Denis puis Sherbrooke, il y a une section qui est réservée à l'Académie PMC. Il y a des petits écriteaux qui sont placés sur la table, c'est indiqué. Ça vous tente de continuer à parler de sujets que les voisins ne comprendront pas. Voilà. Là. Existe-t-il une forme de méditation supramentale qui permet de faire descendre l'énergie et d'être... Juste avant, j'aimerais juste faire un petit retour. Pour la huitième question. C'est ça. Sur les points particuliers où Nostradamus s'est trompé. Parce que tout à l'heure, on devait partir du but sur la patinoire et aller jusqu'à l'autre but. C'est ce qu'on a fait. On a couvert toute la glace. Donc, premièrement, Michel de Nostradamus s'est trompé en faisant des prophéties. Bon. Erreur numéro un. Erreur numéro un. En faisant des prophéties, il s'est trompé. Pourquoi? Parce qu'il ne prophétisait pas des choses d'une destinée particulière d'une mécanique qu'il ne comprenait pas. Il communiquait simplement de l'information que certains messagers, en l'occurrence des intraterrestres, voulaient que Michel de Nostradamus communique aux humains. Et il renforcissait donc certaines informations déjà communiquées par d'autres prophètes avant lui. Dans ses communications, Nostradamus, qui était un personnage, donc un grand médecin, on l'a vu, un personnage qui était très érudit, dans ses communications, il a été visité par des intraterrestres, il a été visité aussi par des mécaniques extraterrestres. Il a rencontré plusieurs phénomènes, il le compte lui-même. Et donc, il va mélanger à travers ce qu'il va prophétiser certaines choses. On parle au niveau des prophéties, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on manipule énormément l'humain dans son inconscience ou dans sa conscience collective, pour qu'il accomplisse des prophéties. Nostradamus, avant de mourir, fait graver une plaque d'or, je l'ai déjà conté en conférence, et il se fait enterrer avec une plaque d'or. Et à un moment donné, il y a des individus qui sont en train de se saouler la gueule quelque temps après. Et puis, il y en a un qui ne croit pas que Nostradamus a réellement existé. Et puis là, ça boit, et puis finalement, ils font un pari. On va aller dans le cimetière où il est, c'était tout près du cimetière où Nostradamus devait avoir été enterré. Et on va aller ouvrir la tombe, voir s'il y a quelque chose dedans. Alors, les trois individus se saoulent la gueule et finalement, suffisamment chaud, ils partent, ils rentrent dans le cimetière. Et une fois dans le cimetière, ils commencent à creuser et ils vont trouver une tombe. Ils vont ouvrir la tombe et vont trouver effectivement des restes humains, un squelette avec du linge et une plaque d'or qui écrase tout ça. C'était écrit sur la plaque d'or « Maudits soient les profanateurs de ma tombe ». Puis là, c'était la date exacte où les gars regardaient. Bon, on imagine que les gars n'ont pas dormi après. Maintenant, ce qui est surtout intéressant de... Ce qu'on peut poser comme question, c'est que Michel de Nostradamus, de Nostradame, était un foudroyant prophète, ou bien les individus sont manipulés en heure et temps pour accomplir des prophéties. Ça vient valider, tout ça vient valider tout le reste des prophéties, oui. des gestes comme ça. Alors lui, il met n'importe quelle année, n'importe quelle date, on s'en fout, il s'en fait enterrer avec ça, puis quand ça sera le temps, bien, il y a des alcooliques quelque part qu'on va manipuler, qui on va amener là et qu'on va faire creuser la tombe pour pouvoir découvrir la plaque au bon moment. Alors, est-ce qu'il a fait une prophétie qui se révèle vraie ou si on a manipulé des individus pour que, comme le disait le Nazaréen, pour que s'accomplisse la prophétie? Et c'est extrêmement important de comprendre dans le message justement du Nazaréen, lorsqu'il disait souvent « Pourquoi fais-tu cela? » Bien, les apôtres posaient la question « Je fais ceci, cela ou cela pour que s'accomplisse la prophétie. » Alors, il faut bien comprendre la nuance. Les prophètes sont des personnages qui ont reçu de l'information et Nostradamus se trompe royalement dans le fait qu'il prophétise. Il n'a pas prophétisé. Il a écrit des choses qui vont servir de trame dans le temps, donc après sa mort, à des interventions particulières pour que vienne s'accomplir la prophétie, ce qui renforce énormément les prophéties du passé et ce qui va renforcer apparemment la trame prophétique de l'avenir. Dans, si on considère prophétie, donc outre cette erreur majeure, là où il s'est trompé d'une façon majeure, si on considère la mécanique de prophétisation, il se trompe. Disons qu'il a fait des prophéties et que dans ces prophéties, il y a des erreurs. Alors, si on laisse tomber ce que je viens d'expliquer, dans ces prophéties, il se trompe là où il parle de l'alliance secrète entre les États-Unis et l'URSS. C'est pas ce qui va se passer. C'est une alliance qui va se faire entre des interventions christiques, donc entre une mécanique extraterrestre qui provient d'intelligence, qui va associer les deux États, donc les deux grandes nations, d'une façon qui n'est pas militaire, d'une façon qui... Ce qui va arriver simplement, c'est que l'islam ne pourra pas supporter un conflit militaire s'il n'est pas supporté au niveau de l'armement par l'Union soviétique. Bon. Où il se trompe, c'est... Quand on parle où il se trompe, c'est qu'à un moment donné, l'humain va pacifier l'islam et on aura le millénium. L'humain ne pacifiera pas l'islam. À travers les humains, il y a effectivement des terrestres extra, des individus qui seront capables de tenir devant les extraterrestres, devant les intraterrestres, des individus qui sont capables de recevoir de l'intelligence, donc sont capables de se centrer chez eux. Et ces personnages-là auront une commission de préserver, premièrement, l'intégrité scientifique, l'intégrité philosophique, l'intégrité humaine pendant les conflits de la Troisième Guerre mondiale. Et ils auront surtout pour mission de revenir après. Une conférence que j'ai faite à un moment donné, qui est quand les extraterrestres vont intervenir, et ce que Michel de Notre-Dame ne prévoit pas, c'est une intervention massive de contingences extraterrestres qui ne viennent pas en vaisseau spatial, qui viennent en énergie, on appelle cela un transport séraphique, et qui viennent s'implanter actuellement dans la conscience intelligente de la majorité des êtres humains sans manipuler les humains. Dans une conférence réservée aux séminaristes, j'ai expliqué grosso modo ce qui va arriver. Je le résume très brièvement ici. Chaque fois qu'un être humain évolue, il s'en égoïse. On l'a déjà vu aussi. Et Nostradamus ne prévoit pas d'anégoïsation. Où il se trompe, finalement, c'est dans la finalité complète. Il dit qu'il va arriver 1 et 1 vont donner 2. Non, en réalité, il dit 2 et 3 vont donner 5. C'est faux. C'est 1 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, etc., qui va donner 5. Alors, on peut dire qu'au niveau du résultat, il a raison. Au niveau de tout ce qui va arriver, il n'a pas raison. C'est-à-dire qu'il ne le prévoit pas. Il se trompe. Quand l'être humain s'anégoïse, il crée un double éthérique. On l'a vu un petit peu aussi. Quand l'humain, qu'est-ce que c'est que l'anégoïsation? C'est la fonte de l'ego. Quand l'humain devient humble, ça pourrait être la même chose, il y a une partie de l'énergie de son ego qui devient de l'énergie vitale, ce qui engendre un rayonnement. Alors, les anciens peignaient toujours un halo jaunâtre autour du Nazaréen ou autour des apôtres, des saints. De ceux qui sont humbles, de ceux qui sont anégoïques. L'énergie vitale du corps physique devient tellement dense qu'elle peut être visible à ceux qui ont la foi, c'est-à-dire à ceux qui regardent l'individu avec d'autres yeux que les yeux matériels. Maintenant, il vient un temps où l'énergie vitale est tellement puissante par anégoïsation que ça engendre des miracles, des guérisons, des lévitations, des télékinésies, des psychokinésies, etc. Bon, marcher sur l'eau, voler dans les airs, ces choses-là, bon. Et à un moment donné, cela crée dans le plan moronciel un double éthérique. Le double éthérique, c'est une copie conforme de votre intelligence et non pas de vos mémoires, qui fait en sorte que quand votre corps physique meurt, vous ne mourrez pas, vous, en tant que conscience. Bon, on l'a vu un peu pendant les conférences, la réincarnation. Les deux métériques constitués présentement par les rares individus qui s'anégoïsent, on parle d'à peine quelques centaines de milliers, les deux métériques en constitution vont servir d'ambassade extraterrestre pour une mécanique. Et quand on parle d'extraterrestre, il faut faire attention. Les rayons solaires sont extraterrestres. Les rayons solaires, ils proviennent du soleil, ils ne proviennent pas de la Terre. Donc, quand on parle d'extraterrestres, on ne parle pas toujours de bibitte à deux pattes ou d'humanoïdes ou d'androïdes. L'intelligence supramentale, qui est une énergie qui réchauffe l'humain, au même titre que si vous manquez, par exemple, de certaines hormones ou de fer ou d'autres oligo-éléments, vous allez être plus irritable. Si vous prenez ces éléments, vous devenez plus pacifique. Votre conscience reste là, mais elle peut s'exprimer dans un corps capable de la recevoir. L'intelligence supramentale est une mécanique qui vient justement réchauffer le corps humain. Et cette intelligence, elle est extraterrestre. C'est l'Esprit Saint que parle le Nazaréen, quelque chose qui doit descendre. La mécanique extraterrestre qui n'est pas prévue par Michel de Notre-Dame, c'est une mécanique qui va donc c'est de l'énergie. Je pars certaines étapes là-dessus, des choses qui demanderaient beaucoup plus d'explications. Et ça vient s'implanter dans les dômes éthériques, temporairement, dans des égrégores supramentaux créés à l'échelle du Québec, des États-Unis, de quelques autres nations. Et à un moment donné, ça va, quand ça va être suffisamment implanté dans ces égrégores-là, dans ces réceptacles-là, réceptacles énergétiques, ça va entrer en contact avec la conscience de l'humain. Et ce contact-là va faire en sorte que certains humains vont faire partie de ceux qui, physiquement, seront épargnés de la bévue apocalyptique du reste de l'humanité. Michel de Notre-Dame n'en parle pas, ce n'est pas prévu non plus. Et c'est ces humains-là qui seront exemptés de cette problématique, qui vont revenir. Lorsque lorsque le grand Antéchrist va prendre le contrôle de l'humain, lorsque Maitreya va reprendre le contrôle après la guerre, s'il y a une guerre, les historiens ne s'entendent pas tous pour dire qu'il y a eu une guerre vers la fin du 20e siècle. Et s'il y a cette guerre, parce que l'intervention supramentale peut faire en sorte que l'humanité fasse un choix que j'appelle le choix de l'homme nouveau, qui n'est pas prévu encore une fois par Nostradamus, j'ai dit à un moment donné que la façon dont on réglera le problème Mohawk ici sera une preuve qu'on n'est pas une Sodome ou une Gomorre, c'est-à-dire que l'intelligence fait une vérification, et j'ai expliqué que la pire partie des sociétés, c'est souvent l'armée, c'est la pire partie de notre société qui doit régler le problème Mohawk, bien, ils le feront avec intelligence, sans effusion de sang, comme on ne peut pas concevoir ça dans l'histoire martiale de l'humain. Alors, il y a donc de l'intervention non prévisible. On en a parlé un peu hier, le mur de Berlin, c'est impossible, c'est pas prévu, ça tombe. La diffusion, la diminution du communisme à l'échelle même de l'URSS, c'est pas prévu. Nostradamus n'en parle pas. Il y a donc, où il se trompe en majorité, Michel de Nostradamus, c'est qu'il ne prévoit pas l'intervention de l'intelligence. Bien qu'il prévoit le retour du Christ, il ne prévoit pas les effets du retour de l'intelligence supramentale, l'énergie christique, parce que le retour du Christ se fait dans la conscience des individus capables de le recevoir, c'est pas un personnage qui vient se pointer. Ça sera homme, femme et enfant capables d'avoir une vision d'intelligence qui vont simplement être d'accord entre eux autres de ce qui doit ou de ce qui ne doit pas être fait, sans être collectivement associés. Et c'est ça. Tu as oublié un point important. Oui. Il n'avait pas prévu ma naissance. Mais je te dis, il s'occupait juste de ce qui était... Existe-t-il une forme de méditation supramentale qui permet de faire descendre l'énergie et d'être centré dans son intelligence? Oui, absolument. Demandez-moi pas laquelle, ça va me prendre trop de temps à vous l'expliquer. Mais si on regarde les techniques du programme Maître Contrôleur, il y a plusieurs techniques qui, quand elles sont faites dans un ordre particulier, amène à cette méditation supramentale. Et quand on parle de méditation supramentale, je vous la définis brièvement, c'est pas une méditation où on s'assoit, ou etc. C'est une méditation. On prend le terme méditation pour se comprendre. Vous marchez, si possible, dans un milieu naturel, donc dans une forêt, vous ralentissez votre pas, vous ralentissez votre respiration, vous magnifisez, donc prenez conscience de votre corps, de votre présence sur place. Votre cerveau va commencer à travailler une isométrisation, c'est-à-dire que les deux hémisphères vont commencer à travailler en résonance, plutôt que présentement, ils travaillent souvent en dissonance. Est-ce que j'y vais? Oh non, je ne devrais pas y aller. Oh, peut-être je vais y aller, etc. Bon, hein, ça se chicane là-dedans. Une partie beaucoup plus astralisée, une partie beaucoup plus cartésienne. Et progressivement, il va y avoir une accélération de la circulation de l'énergie vitale. Il y a donc un paquet de choses que l'individu va faire pour finalement soit s'asseoir ou soit marcher. Et là, l'individu va commencer à parler. Et par la parole, il sera en méditation supramentale, c'est-à-dire que par la parole, il sera totalement en contact avec son ajusteur de pensée. Donc, par la parole, au lieu d'être dans sa tête, d'avoir des visions, et là, on se fait souvent très coloré, c'est extrêmement risqué. Et là, par la parole, il va commencer à dire des choses. On peut aussi parler dans sa tête. On peut, mais là, c'est par la parole orale qu'il va le faire, dans la technicalité PMC. Pourquoi? Parce que penser n'importe quoi de quelqu'un, vous risquez de l'haïr ou de l'aimer. Parlez-le. Si vous êtes en train de le détester, vous allez vous en rendre compte immédiatement. C'est par la parole, si on s'écoute parler, c'est extrêmement facile de nous retrouver, de se centrer sur nous-mêmes. On est très intelligent. Par exemple, vous avez le choix entre, comme je dis souvent, un gâteau ou une pomme. Parlez. Bon, est-ce que je prends la pomme ou le gâteau? Ça va être fracassant comment c'est la pomme que tu dois prendre. Alors que tant que c'est dans ta tête que ça se promène, là, c'est très souffrant. Parler, vous allez voir la différence. Alors, la méditation supramentale amène donc à la parole instantanée. Comment me libérer de toute entrave qui empêche l'expression de l'intelligence? C'est ça. Libérez-vous des entraves qui empêchent l'expression de l'intelligence. C'est la seule façon. Il parlait de McDonald's à la fin. Les solutions à McDonald's, il n'y en a pas. Vous pouvez passer au libre-service, on vous donne ça. Le fast-food de l'évolution. Vous devez continuer. C'est une des réponses les plus plates que j'ai à donner, mais c'est une des plus vraies. Vous devez continuer à faire exactement ce que vous faites présentement. Ça vous remet entre vos mains, que c'est tant mieux. C'est comme ça qu'on arrive à se libérer. Parce que si vous vous attachez à mes réponses, vous êtes libéré d'une chose pour être attaché à une autre chose. Non, continuez à faire ce que vous faites. Vers quoi l'Antéchrist amènera l'humanité? Nulle part. Mais ça, faut pas trop le dire fort. Mais nulle part. Vers quoi il veut l'amener, c'est extrêmement débile. Mais il ne l'amènera nulle part. L'Antéchrist a pour fonction de ramener l'humanité à la boucle du départ. Mais ça, ça ne fonctionnera pas. Nostradamus... Non, j'en ai une question. Je ne l'ai pas écrit, mais je vais l'écrire vite. Par rapport à l'Antéchrist, si Lazare a été celui qui a fondé les Rose-Croix, la franc-maçonnerie, est-ce qu'il y a aussi celui qui manipule Métria à jouer son rôle? Non, Lazare, présentement, il est relié à un faisceau qui va se résorber. Lazare, autrement dit, a presque fini sa fonction planétaire. Dans quelques années, il va simplement s'en aller comme le Christ est parti. Maintenant, le temps que Lazare est présent, Métria n'a pas de puissance. Donc, Lazare ne manipule pas Métria, mais Métria est manipulé par la présence de Lazare. Quand Lazare s'en va, Métria monte, la bête monte, tout monte. Puis est-ce que Lazare revient? Non. Donc, Lazare est pas mal plus intelligent que ça. OK. Arrangez-vous. Nostradamus s'est-il trompé ou se trompera-t-il en prévoyant 13 800 ans de paix après l'Apocalypse? Non, il y aura effectivement 13 800 ans, mais quand on parle de paix et d'harmonie, il faut faire attention. Il y aura 13 800 ans d'évolution solaire, ce qu'on appelle l'âge d'or de l'humanité. On est présentement dans l'âge de fer, le Kali Yuga. L'âge du mal. Et 13 800 ans, c'est un âge d'or, c'est un âge où l'humain sera intelligent, où l'humain aura même la capacité de comprendre des choses qu'il n'a pas compris depuis quelques millions d'années. C'est un âge où il y aura encore des petites calamités, mais ce ne seront pas des calamités entre êtres humains. Imaginez, on sera capable de se coucher sans fermer, sans barrer la porte. Parce que ça sera inconcevable, ça ne pourra pas se faire. Qu'un être humain daigne voler, agresser ou attaquer, ça ne va pas, ça n'ira pas. Ni les animaux. Mais il y aura encore des petits soubresauts du plan planétaire, bon, des petits ouragans, des petits cochons comme ça. Et par la suite, les choses vont encore tendre à s'améliorer. C'est surtout au niveau de l'interne, de l'humain, que les choses vont se placer. L'énergie christique provient-elle d'un faisceau ou se confond-elle au faisceau de l'individu qui sert de véhicule à cette énergie? C'est les deux choses. L'énergie christique, c'est un faisceau. L'énergie michaélienne, c'est le faisceau du Nazaréen. L'énergie christique, c'est finalement une qualité d'énergie. Et il y a encore 13 faisceaux, dont le faisceau nazaréen. Il va en rester 12, grosso modo, par la suite. On parlera des 12 tribus d'Israël, bon. Et les 12 faisceaux qui restent sont des faisceaux séparés, différents, qui vont faire en sorte qu'il y a des individus qui seront frères et sœurs en esprit, mais pas avec tout le monde. Il y a 12 faisceaux, 12 peuples, si on veut appeler ça comme ça. Mais dans la qualité, on parlera du phénomène supramental ou du phénomène christique, mais pas dans le faisceau. Que signifie ce symbole? Vous avez vu, hein? Parce qu'il est dessiné. Alors, je vais lire le texte qui va avec, je vais essayer de vous le montrer tantôt. Est-il dangereux de travailler avec ce mandat-là, dans le but de guérir ou de réénergiser les corps? Peut-on s'assujettir à un égrégore en utilisant ou peut-on contracter une dette envers l'astral? Donc, pour ceux qui n'ont pas des bons yeux, là, c'est une étoile à 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 branches. Pour ceux qui peuvent le voir. Bon, sachons une chose, quelle que soit la forme, elle est utilisable, donc c'est intelligent de l'employer. Elle peut facilement nous assujettir, donc c'est intelligent de faire attention. Nos vêtements, C'est une forme. Il vient un temps où on ne peut plus sortir si on n'est pas habillé de telle, telle façon. On est rendu l'esclave de la forme. Alors que peut-être au départ, on s'habillait de telle, telle façon pour créer tel ou tel mouvement. Bon, c'est bien. Au niveau de la symbolique dessinée, écrite, sculptée, fondue, ces choses-là, les égrégores, c'est-à-dire que chaque symbole attache l'individu qui s'en sert à un égrégore particulier. Tous les individus se servant du même symbole sont donc reliés ensemble. Dans les symboles, il y a vos prénoms. Vous savez, par exemple, la majorité, sur votre baptistère, vous avez, les mesdames, le nom Marie. Les hommes, le nom Joseph. Parce que tout ce que vous allez sécréter, transpirer comme émotion au cours de votre vie, on veut que ça nourrisse l'égrégore catholique romain. Alors, on a obligé vos parents à vous donner des noms catholiques romains, mais au cas où, sur le baptistère, on commencera par la clé primale, Joseph, Marie. Si vous devenez témoin de Jéhovah, on vous rebaptisera de façon à vous déconnecter de l'égrégore catholique romain. Pas question que vous nourrissiez cet égrégore-là. Et on vous connectera à un autre égrégore. La symbolique, la croix, est un égrégore martial, militaire. C'est une épée, dans un sens. Et quand on parle d'une étoile, premièrement, les étoiles symbolisent plusieurs choses. Quand on parle d'une étoile à 12 branches, on parlera encore une fois des 12 tribus d'Israël. On parlera des 12 faisceaux. 12, dans la vision... Et disons, judéo-chrétienne, mais surtout catholique, 12, c'est une vision, c'est le chiffre 1 et le chiffre 2. 1, c'est l'actif. Quand on commence à écrire, on met un point. Rien ne peut être écrit sans le point. Ça symbolisera le principe actif, le Père. Ce qui suit le point, ça a deux extrémités, c'est une ligne, c'est le chiffre 2. Alors, pour le contexte catholique, le chiffre 12 devient le chiffre de l'univers parce que c'est le passif, c'est l'actif et le passif. 2 et 1 font 3. 3 est le résultat, l'enfant. Pour les Juifs, ce sera le chiffre 21. Alors, on peut, ceux qui connaissent un peu la Kabbale ou les tarots, c'est le 21 qui est la base de cette arithmétique. Le 2, le passif avant l'actif, donnera toujours 3 de toute façon. La symbolique qui est ici est une symbolique qui est reliée à une forme de sorcellerie. C'est une symbolique extrêmement naturelle. C'est une symbolique qui vient de... Il y a des connotations tibétaines, une symbolique donc qui est reliée à un lotus, qui est reliée à des choses qui sont loin. La symbolique elle-même, elle est intéressante, c'est une symbolique de feu surtout. Donc, c'est une symbolique qui bouge beaucoup, une symbolique qui peut créer des actions. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'utilisez-la, puis dans quelques temps, détruisez-la, abandonnez-la, puis employez-en une autre. Puis, si vous ne pouvez pas, il est le temps en maudit que vous l'abandonniez. Parce que là, maintenant, vous êtes de plus en plus assujetti à ce qu'elle représente. Est-ce que cette symbolique-là aurait été utilisée par Merlin? C'est des symboliques similaires au niveau des cristaux et au niveau des pierres de feu qui ont été utilisées par le mage Merlin. Lorsque mon corps physique souffle, mon esprit se sent comme dans une cage où il fait les 400 pas pour trouver une porte de sortie. Est-il possible de quitter le corps pour ne plus souffrir et ne revenir que lorsqu'il est guéri? Si oui, comment s'en détacher? Même si je me dis intérieurement que je ne suis pas le corps, cela ne change rien. Bon, ce que vous devez comprendre, c'est que le corps physique est le véhicule par excellence pour recevoir l'intelligence dans un contexte expérientiel, contexte de vie. Le corps physique est assujetti à l'ego, l'âme. Alors, il y a le corps physique, il y a le corps vital. Le corps vital, quand il commence à bouger, ça prend un laps de temps, le corps physique commence à bouger, en guérison comme en pathologie. L'acupuncture travaille le corps vital. Certains médicaments, l'alimentation aussi. Le corps astral, c'est la psychologie. On parlera donc de phénomènes qui partent de la psychologie, qui est psychosomatique, qui vont aller au niveau du corps physique. Chaque fois que vous, la conscience, êtes dans un corps physique qui ne vous plaît pas, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez devenir le maître contrôleur. Vous devez contrôler les parties de l'ego, toutes les subtilités de l'ego, parce que c'est l'ego, c'est l'astral, qui attaque, qui gruge le corps vital, et progressivement, il y a un malaise physique qui va apparaître. Le fait de s'en aller ne changera rien, parce que vous devez vous développer un corps physique capable de vous recevoir. On ne parle pas d'un corps d'athlète, mais d'un corps capable de recevoir de la conscience. Et nécessairement, plus vous allez vous conscientiser, dans certains cas, si le corps physique n'est pas suffisamment solide, donc en santé génétique ou en santé de vie, plus vous allez vous conscientiser, plus l'ego va essayer de fuir. Et à un moment donné, l'ego va fuir, si possible, le plus loin possible de votre intelligence. Quand je parle de l'ego, je parle de tout ce que vous ne voulez pas être. On parlait d'anti-homme tout à l'heure, c'est cela. Un point tel que l'ego, à un moment donné, peut même se résorber totalement de vous. Vous allez être totalement limpide. Il va être caché dans votre corps physique. Vous allez être totalement malade. Alors, on ne doit pas quitter le corps physique, on doit décoder, comprendre, ramasser de l'énergie, s'alimenter convenablement, respirer convenablement, être présent, et progressivement, vous allez finir par être le maître contrôleur chez lui. Donc, dans le corps physique, vous allez contrôler l'ego et votre corps physique va se restaurer. Mais on peut, il y a des façons de s'en aller, ce n'est pas la façon d'évoluer. Votre ego vous niaise, partez pas pendant ce temps-là. Imaginez que vous avez des enfants, vu qu'ils font le bordel dans la maison, ils prennent une marche. Puis quand vous revenez, ben c'est juste pire. Mes enfants ne feraient pas ça, moi. Il y a des molliers. C'est pour ça que ça jamais. Quelles sont les caractéristiques d'un ego puissant? Oh. Qu'est-ce qui fait qu'il est puissant? Une caractéristique évolutive d'un ego puissant, c'est que l'ego puissant croit être capable de regarder le soleil en pleine face. Alors, il y a un bonhomme qui a déjà dit qu'il s'aveugle lui-même, celui qui croit pouvoir faire ça, et c'est exactement ce qui va arriver. Un ego puissant, c'est quelqu'un qui ne peut pas écouter, qui ne peut pas entendre, qui ne peut pas parler à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement colérique. Ça dépend de la façon dont l'ego est bâti. Il y en a qui ont des égos faibles, extrêmement colériques, qui se protègent. Un ego puissant, c'est quelqu'un qui devient un MTS, un martyr de la transition supramentale, et un ego puissant. C'est quelqu'un qui est convaincu qu'il a totalement la réalité de tout le monde. Moi, je sais que ce que je dis est totalement et à 100% juste pour moi. Il est extrêmement utilisable et utile pour plusieurs personnes. Mais il y a d'autres personnes, même souvent, j'explique à des séminaristes comment on doit cheminer de point de vue. Et on va se rendre compte que ce que lui dit, ce qu'elle dit, c'est totalement vrai. Et ce que je dis est totalement vrai. Puis quelqu'un qui nous entend, il va dire, voyons donc, si on est trois à s'obstiner, à se contredire, puis ils disent qu'ils ont raison tous les trois, puis ils sont d'accord avec ça. Oui. On peut apprendre à cheminer de point de vue. Si on a un ego trop puissant, rien à faire, c'est notre point de vue qui est le point de vue. C'est surtout ça qui caractérise un ego puissant. Qu'est-ce qui fait qu'il est puissant? C'est très, très long à expliquer. On va y aller quand même rapidement. C'est que la façon dont vous êtes conçu, si vous avez un ego puissant, c'est que votre ego est capable de se synergiser à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il se nourrit de lui-même, il se flatte lui-même. Ça crée sa pure... on appelle ça de l'égoïsation, ça rend puissant un ego. Alors, la personne qui se vante, la personne qui compte ses histoires, la personne qui se plaint tout le temps, elle s'égoïse, elle a un ego puissant. La personne qui tète sans arrêt, il y a plusieurs façons. C'est très long à expliquer, mais c'est ce qui va créer normalement qu'on a un ego puissant. Si mentalement on est présent, on est capable de dire « oui, je suis bon en dessin », alors que si c'est l'ego, il va dire « ah oui, oui, oui, je comprends donc, ouais, je suis en plante et taquin en dessin ». Il y a une nuance. Tu as parlé des MTS, puis là, il y a une autre question ici sur les MTS, puis j'aimerais que tu clarifies que... Des MTS, il y a ceux qui sont martyrs de la transition supramentale qui se plaignent et qui disent de tout connaître. Mais tu as aussi des gens qui souffrent de la transition. Oui, ce ne sont pas des martyrs. Bon, tu les appelles comment, ceux-là? Des pauvres types. Des pauvres types. Je ne suis pas sûr que c'est clair qu'il y a des pauvres types. La nuance entre l'un et l'autre. Quand j'ai amené le thème martyrs de la transition supramentale, c'est je parlais d'individus en formation au Québec. La majorité sont présentement quasiment tout trouvés. Des individus qui auront un contact avec de l'astral supramental, donc seront capables d'avoir comme une parole supramentale, une parole juste, mais qui auront énormément d'ego, qui travailleront à détruire les gens. Ce sont des individus qui vont prédigérer l'intelligence supramentale de façon à l'astraliser, à la spiritualiser, pour que le reste des gens spirituels sur la planète puissent avoir accès à une nourriture intelligente prédigérée. Sinon, ils ne peuvent pas y avoir accès, c'est trop, trop fort pour eux. Maintenant, il y a les individus qui, eux, sont des... transitifs, des adolescents qui sont en crise d'adolescence, de transition, ce ne sont pas des martyrs, c'est-à-dire qu'eux vont s'en sortir. Mais présentement, ils sont rejetés par l'ère ancienne, puis ne sont pas acceptés par l'ère nouvelle, ils sont entre les deux. Bon, alors, c'est pas confortable, évidemment. Ce ne sont pas des martyrs, parce qu'ils vont traverser, ils finiront pas tout croche au travers. Dis-moi le chiffre près, la quantité de MTS qu'on a en ce moment et qu'on va avoir. Bon, je ne vois pas l'utilité de dire le chiffre près. Disons que quand on parle... Le chiffre précis, d'abord. Oui, c'est ça. Quand on parle de 577 000, on pourrait encore l'ajuster, 820, et encore là, ça dépend beaucoup de l'impuissance des MTS. C'est la quantité nécessaire de MTS pour prédigérer suffisamment d'intelligence pour que les entités spirituelles créées par l'homme, pour que les égrégores dans le monde de la mort, soient capables de tolérer la présence d'êtres humains conscientisés sur le plan planétaire. Et on approche des 400 quelques milles, ce qui fait qu'on manque. On va faire du recrutement. Non. Il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de faire le recrutement. Pas moi. J'ai pas besoin. Je travaille bien. Quelqu'un me parle d'un événement. Le lendemain, je vois à la télé la scène qu'il m'a décrite. Je dis que... Parce que lui, il a le TV hebdo. Je dis que c'est l'hasard. Il dit que c'est le hasard. Et que quand on ne sait pas quoi dire, on dit que c'est l'hasard. Tout d'un mot. Moi, je lui dis que quand on ne sait pas quoi dire, on dit que c'est le hasard. Y aurait-il une intentionnalité personnalisée ou une intentionnalité mathématique qui s'appelle le hasard? Bon, il y a effectivement une intentionnalité mathématique qui est le hasard. La majorité de toutes les structures de la mathématique ont été placées là et sont contrôlées par l'hasard. Par le personnage. Disons le comte de Saint-Germain. Donc, il y a une mathématique qui est le hasard, mais la majorité des éléments de la mathématique et des formules ont été placés, la programmation a été placée par le comte de Saint-Germain. L'hasard. Par hasard. Ouais. Est-il encore possible pour l'être humain de se désassujettir de ces deux mécaniques qui manipulent l'homme? Moi, j'ai le sentiment qu'il ne faut même pas que je t'écoute, que je fasse ce que j'ai à faire. Bon, ben alors, je ne réponds pas. Imaginez-vous bien que... Une chose qui est évidente, c'est que tout est possible. Vous avez déjà dit que Nostradamus, Jean-Baptiste et Jésus étaient réincarnés au Québec. Se connaissent-ils et savent-ils qui ils sont? Ils se connaissent, ils savent qui ils sont. Le Baptiste est totalement digéré, donc il n'est plus réincarné, c'est-à-dire qu'on ne peut plus dire « tiens, c'est le Baptiste ». C'est autre chose maintenant, mais il l'a réincarné. Il sait qui est celui qui a réincarné Jésus, mais quand on parle de réincarnation de Jésus, on ne parle pas de la réincarnation de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'alliance d'un enfant, Jésus, avec une intelligence supramentale, le Christ. Alors, dans certaines étymologies, on parlera du Christ. Dans d'autres, on adorera Jésus. Et au niveau d'une religion plus milieu, on parlera de Jésus-Christ. C'est l'ego de Jésus, de l'enfant, qui se réveille sur la croix en disant « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est lui qui est réincarné présentement. Et il a l'expérience énergétique, évidemment, du passage du Nazaréen, avec la peur de finir encore sur une croix. Bon. Et tandis que Nostradamus, s'il est réincarné, il le sait. Un petit détail comme ça, il a même déjà eu une librairie ésotérique qui s'appelait Nostradamus, évidemment. Il a rencontré le Baptiste, il a rencontré Jésus. Il sait, il ne veut pas savoir, et il est en train de digérer ces choses-là. Est-il exact que Saint Paul aurait écrit une apocalypse où ce qu'il décrit ressemble à un enlèvement par des extraterrestres? Exact. Il y a Judas aussi qui en a écrit une, et Thomas. Et l'apocalypse de Paul parle de ce genre de choses. L'apocalypse de Thomas parle aussi, puis l'apocalypse de Judas aussi. Vous savez, il y a eu beaucoup d'évangiles apocryphes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été retenus. On en a retenu 4, et il y en a eu un bon paquet. Mais oui. Daniel. C'est moi. Où sont situés les endroits telluriques les plus denses? Il y en a un maudit paquet. On va parler du Québec. Ça va simplifier un peu les choses. L'un des endroits majeurs d'énergie tellurique, c'est le plateau du Mont Albert dans le parc de la Gaspésie qu'on appelle Chic-Choc, mais qui va changer de nom prochainement. Une autre région très près d'ici, c'est la calotte polaire. Pas l'air de ça, mais ça va faire un tour là-bas, puis je t'assure que... La calotte polaire, là où on place l'Agartha, là où on place l'endroit d'où vient le Père Noël, Santa Claus, là où on place l'endroit où Superman a bâti sa maison, toujours au pôle Nord. Et cet endroit-là, il est... très puissant énergétiquement, à un point tel qu'il a manipulé les individus qui ont créé les personnages les plus beaux. Ça vient du pôle Nord. Donc, il y a le mont Chic-Choc, il y a le pôle Nord, il y a des régions qui sont préparées. Sachant une chose, partout au-delà des plaines, donc dans les Laurentides, on est déjà sur un très bon territoire. Chic-Choc, c'est intéressant. Par la suite, il y a certaines petites régions très, très, très localisées où on peut retrouver beaucoup d'énergie. Il y a près de Mont-Laurier, près de Montebello, Saint-Jovite, dans le parc du Mont-Tremblant. Le Saint-Hilaire est intéressant aussi, mais c'est faible quand même. En plus, ça s'amenuise. Plus on creuse en dessous, plus c'est mince. Alors, il y a de moins en moins d'énergie là. Mais il y a plusieurs endroits comme ça localisés qu'on peut... que l'on peut aller s'amuser. Pourquoi faut-il absolument avoir fait votre séminaire pour assister aux conférences privées du dimanche? Bon, pour une simple raison. Parce qu'il y a énormément de questions que les gens qui n'ont pas fait le séminaire vont poser, questions qui sont totalement répondues pendant le séminaire, ce qui fait que ça en sauve énormément de temps, parce qu'il y a 2 heures à 2 heures et demie de conférences, 1 demi-heure à 1 heure de période de questions. Et les questions sont des questions non pas de formation, c'est-à-dire de base, des questions donc où on poursuit simplement sur le sujet. L'autre raison, c'est qu'il y a des personnes qui, de temps en temps, pourraient être semblées prêtes. Et moi, je préfère simplement fonctionner sécuritairement. Je ne dis pas que tous les individus ne sont pas prêts, mais il y en a qui ne seraient pas prêtes. Et ils peuvent venir à une conférence spéciale et tellement pas comprendre, ça pourrait même être dangereux pour elles. Alors, grosso modo, ce sont les 2 grandes raisons. Alors, le séminaire, on a 2 jours à passer ensemble, on communique suffisamment, on ajuste au niveau des mots, on ajuste au niveau d'un paquet de choses, on ajuste au niveau énergétique aussi. Et par la suite, eh bien là, c'est beaucoup plus facile d'entreprendre un travail qui serait raisonnable. C'est comme de dire, ne faites pas le séminaire, vous allez peut-être venir pendant un an et demi, 2 ans, mes conférences régulières, pour être apte à maintenant vous servir, aux conférences spéciales, pour être apte maintenant à vous en servir. Alors, si on veut faire un travail sérieux, ben après quelques conférences régulières, peut-être que ce serait, si on aime toujours les conférences, l'étape suivante serait le séminaire, de façon à sauver énormément de temps pour après ça avancer. C'est comme de dire, je ne vais pas faire le séminaire, je préfère passer 2 ans à être prêt à comprendre après. Fait que le séminaire est donc basé là-dessus, on est un petit nombre, on parle ensemble, on communique, c'est pas tout à fait comme présentement. C'est pourquoi c'est logique de faire le séminaire avant. Mais ce n'est pas une condition sine qua non, mais assez presque. Quel est le rôle planétaire du groupe que vous avez déjà mentionné et que vous appelez le groupe des chefs? Présentement, il n'y a pas de raison planétaire au groupe des chefs pour la simple raison que mieux vaut y aller petite chose par petite chose. Hein? N'est-ce pas? Les égos, ça se grossit vite, hein? On se missionne rapidement. Nous, on fait bien attention. Le groupe des chefs, présentement, c'est simplement un groupement d'individus. Il y a 2 groupes des chefs. Un groupe des chefs, groupe des chefs. Il y en a, c'est un groupe aristocrate, c'est-à-dire que c'est des individus qui n'ont peut-être pas la santé physique pour faire les folies du premier groupe des chefs, qui, eux, s'amusent en forêt et puis un peu ailleurs. Ils auront certains voyages à faire à un moment donné dans les pays un peu plus complexes. Bien, le groupe des chefs, c'est simplement une façon plus dense de mettre en application des mécaniques qui sont comprises dans des situations particulières, qui vont mener progressivement l'initiation et qui vont mener progressivement donner des outils à ces individus-là pour que ces personnages-là puissent, dans un certain moment donné, commencer à pilonner le monde astral, c'est-à-dire à faire descendre de l'intelligence de façon à changer certaines choses. Bon, une des choses que je ne peux pas dire au niveau du groupe des chefs, mais grosso modo, le travail même est de donner des outils. Quand on parle d'outils, on ne parle pas d'outils uniquement psychologiques, on parle d'outils qui sont reliés à des mécaniques énergétiques qui vont donner des, non pas du pouvoir, mais de la puissance à certains personnages qui font partie de ce groupe-là, simplement. Parle-nous des solutions que Nostradamus... C'est vrai, j'étais supposé te le demander. Parle-nous des solutions que Nostradamus n'a pas prévues à cause d'interventions supramentales. Bon, on en a parlé un peu, donc, au début de la deuxième partie, quand on parlait de l'intervention d'intelligence, quand on parlait du pilonnage du monde de la mort, quand on parlait du choix de l'homme nouveau, quand on parlait de l'intervention extraterrestre par transport séraphique. Donc, on en a quand même pas mal parlé. Je la garde de côté, on va passer le reste ici, et puis on pourra revenir si tu en as d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Ah, oh, bien sûr. Non, mais les tiennes. Est-ce que je peux y poser? Ah, bien sûr. Oui. J'aimerais qu'on aille plus loin dans le... Pas te donner trop de temps. Ah, oh, c'est bon. Dans l'influence de Lazare dans la création des 2 mouvements qui sont les Rose Crocs. On va parler plutôt de... Ah! On parle de ça d'abord. Lui avec ses questions... Si tu veux pas, j'en pose. Oh oui, je veux que t'en poses. Pas celle-là. Pose celle que je veux que tu poses. Écoute bien. Pense plus fort. C'est vrai qu'il se nettoie les... Tu sais, les neurones, c'est comme les oreilles, ça sort. Bon. La nicotine, je me suis coupé les antennes. Ouais, c'est ça, ouais. Quand on va faire, on va juste brosser un tableau pour synthétiser premièrement les solutions, puis répondre un peu à ta question sans que tu en rajoutes trop. Bon, tu pourras toujours y aller après. Bon. La finance planétaire est totalement manipulée. Ça, c'est quelque chose. Hein? Bon. Son métier lui a appris. Non, pas à manipuler, mais que c'était manipulé. Hein? Oui. Bon. Oui. Imaginez que ceci. Après la Deuxième Guerre mondiale, premièrement, Adolf Hitler est un personnage juif. C'est un personnage extrêmement petit, minable, qui rencontre à un moment donné d'autres personnages qui sont reliés à des mécaniques franc-maçonniques, qui sont reliés à des loges, qui sont reliés à des mécaniques lucifériennes et arimaniennes. Bon, je passe sur des petits détails. Et il devient fureur. Bon, après avoir été en furie pendant quelques années contre le peuple juif, il perd la guerre. Il perd la guerre uniquement parce qu'il a pris un médicament pour dormir et on n'arrive pas à le réveiller. Puis on a besoin de la division Panzers pour rejeter les Alliés en Normandie. Puis ça ne fonctionne pas, il perd la guerre. Et par la suite, il y a une division allemande, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sociétés secrètes au niveau des dirigeants allemands. La Gestapo, les SS, services secrets, c'est une société secrète. La Wehrmacht, c'est une société secrète. Il y en a d'autres. L'une de ces sociétés secrètes-là est là pour fonction, elle, de piller, de ramasser tout ce qu'il y a de la valeur. Mais attention, et là, on parle d'une guerre ésotérique majeure. À un moment donné, là, on étudie la Deuxième Guerre mondiale avec tout ce que cela a amené, et puis on tombe totalement dans les romans d'anticipation les plus fabuleux. On tombe dans Excalibur, c'est similaire en tant qu'à s'amuser. Et là, on se rend compte que Adolf Hitler veut conquérir l'Hyperborée, c'est le Québec. Il y a des sous-marins qui se pointent jusqu'ici. On a des, même encore dans le parc Forillon, il y a des espèces de grosses constructions avec des canons qui servaient justement à contre-attaquer en cas que les sous-marins voudraient attaquer. Et là, on découvre qu'il y a une partie de la société secrète qui a comme fonction de piller. On paye tout ce qui est argent, hein, valeur monétaire. Et ça, cet argent-là va être sorti de l'Allemagne un peu avant la prise de Berlin. Et c'est là qu'on perd la lance de Longinus qui a été pris en Autriche, qui est retourné en Autriche ou à Fornax. Lance qui a servi à Longinus, un centurion romain, à percer la côte du Nazaréen. C'est une forme de Graal, parce que la coupe du Graal, c'est la coupe dans laquelle Joseph d'Arimathie a ramassé le sang. Mais là, on ramasse l'argent. Et cet argent-là, aujourd'hui, au Japon, elle sert ces Allemands-là, qui sont maintenant très âgés. Plusieurs vont encore plusieurs années à vivre. Et ils manipulent la totale finance de la planète à partir de là. Maintenant, va se lever dans l'islam une contrepartie de ça, et ça sera le pétrole, l'or noir, pour essayer de se battre financièrement contre ces deux personnalités-là. Une est une personnalité luciférienne, l'autre une personnalité beaucoup plus satanique ou sataniennes. Bon. Maintenant, il faut faire attention, quand je parle de luciférienne, je parle d'un être porteur de lumière, d'intelligence. Adolf Hitler voulait sauver la race humaine, créer la race aryenne et forcer tous les individus à se réincarner dedans. Pour ça, on les extermine tous, sauf les blonds aux yeux bleus. Et lui, il était noir, petit, puis juif. Cherchez pas de raisonnement d'intelligence dans un peuple manipulé, il y en a pas. Bon. Il y avait juste une moitié de moustache. Ouais, ça. Non, il y a des poils là-dedans, il est au complet. Bon. Alors, ce qui arrive, ceci, c'est qu'en plus, on pillait quoi? On pillait les œuvres d'art. Mais là, on dit que le peuple allemand a détruit énormément d'eux. Oui, comme les Romains, Alexandrie. Hein? Pourquoi le Vatican cache ses œuvres d'art et ses livres? Ce sont des égrégores, ça contient de l'énergie. Alors, l'Allemagne va maintenant piller. La majorité de ce qu'ils vont vouloir assujettir comme énergie, ils vont décider que c'est allemand. Et tout ce qu'ils voudront est détruire comme canaliseur d'énergie, alors ils vont l'anéantir. Ces personnages-là ont réussi à conserver énormément d'œuvres d'art qu'on ne connaît pas. Dernièrement, on a découvert encore des morceaux musicaux écrits par Mozart, hein, qui n'avaient jamais été joués. Ils vont les jouer prochainement. C'est des messages, parce que Mozart, c'était pas... Bon, c'était quelqu'un de brillant. Il est mort jeune, évidemment. Les jeunes partent toujours en premier, les meilleurs partent en premier. Et là, eux manipulent aussi des choses. Il y a donc l'Allemagne qui a essayé de sauver l'humanité. Et je dis souvent que le peuple québécois réincarne beaucoup du peuple allemand de cette époque, alors que les Romains se réincarnent chez les Américains. Et bon, il y a des choses comme ça. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il arrive qu'il y a une manipulation d'intraterrestres qui veulent forcer une pollution majeure à l'échelle planétaire et un holocauste pour que l'humain s'anéantisse entre lui-même, mais sans guerre nucléaire. De ce fait, les intraterrestres vont manipuler les grandes nations à faire des pactes de dénucléarisation pour éliminer les problèmes nucléaires, parce que les intraterrestres ont une génétique tellement faible qu'ils ne parviennent pas à l'assujettir à celle de l'homme, et le contexte nucléaire attaque trop, d'une façon trop dense, la génétique. Alors, on va essayer de faire des pactes pour éliminer la nucléarisation militaire, mais on va aller manipuler des peuples extrêmement fanatiques pour qu'eux entrent en guerre de façon à occuper suffisamment l'humain pour qu'une contingence extraterrestre puisse par la suite prendre de dessus. Par contre, il y a des interventions extraterrestres. C'est compliqué. Vous savez, rien que le corps physique est compliqué, demandez au médecin. Ce que je vous compte là, c'est bien simple. Les extraterrestres, il y a plusieurs formes d'extraterrestres, dont une qui était éloïmique. Elle a pour fonction de ramasser les génétiques, c'est elle qui est intervenue en Lémurie pour engendrer la sexualisation des corps physiques. Et elle a pour fonction de ramasser la génétique et de la ramener sur d'autres planètes viables, capables de supporter une vie organique similaire à la nôtre et recréer des corps par clonage simplement génétique. Eux veulent ramasser une partie de la race humaine et ils se balancent du reste. Et il y a l'être humain, l'intelligence. Adolf Hitler en était relié jusqu'à temps qu'il perde un peu la tête, c'est-à-dire que de toute façon, il n'y a pas le corps physique pour supporter un contact supramental. Et le contact supramental de l'intelligence par Adolf Hitler était important. Il devait massacrer le peuple juif de façon à ce que l'intelligence supramentale qui était en train de redescendre ne descende plus dans le peuple juif, mais descende dans le peuple américain. Nous sommes américains aussi, et il pourra s'étendre par le sud à l'échelle planétaire. Alors que le peuple juif est trop fermé, donc à l'époque du Nazaréen, il était descendu dans le peuple juif, Nazaréen entre autres, de la secte des Nazaréens. La manipulation fait donc en sorte qu'il y a présentement des plateaux majeurs qui veulent que l'humain se batte, qui veulent que l'humain s'autodétruise, si possible sans guerre nucléaire. Par contre, il y a une mécanique très forte, une mécanique japono-allemande, qui, elle, veut que l'humain se batte en conflit nucléaire. Et ceux qui devaient, à l'époque, amener la race, la sixième race mère, la race neuve, celle qui est prophétisée par tout le monde, c'est l'Angleterre. L'Angleterre va coloniser les États-Unis d'Amérique, elle va engendrer ce qui devra engendrer la race mère, la sixième, les Américains. Tu sais, on est Québécois, nous, mais on est très Américains. Et c'est toujours le fleur de lys, parce qu'il y a eu un moment donné où Richard Cœur de Lion, qui est un Anglais, avait comme symbole le fleur de lys, qui est un symbole de Normandie. Fleur de lys, c'est le Québec qui l'a. Il y a un paquet de raisons qui fait que c'est le Québec qui... C'est du Québec qui va partir cette race nouvelle, sans guerre. Bon, parce qu'on ne peut pas forcer l'humain par la guerre à devenir intelligent. On l'assujettit, puis l'assujettissement le rend intellectuellement ou le rend bâtard, mais ne le rend pas intelligent. Alors, ce qui arrive simplement, c'est qu'il y a maintenant des mécaniques qui, eux, veulent en faire en sorte que l'humain entre en guerre nucléaire. Pourquoi? Parce que la guerre nucléaire va préserver le règne humain de l'émissence intraterrestre. Et surtout, il y a des mutations engendrées par le nucléaire. Il y a de plus en plus d'études qui prouvent que des mutations positives engendrées par une irradiation. Et c'est comme tel prévu que certains corps physiques vont voir dans une nucléarisation limitée, vont trouver des effets positifs, ce qui va renforcer le corps physique et permettre une plus grande descente d'intelligence supramentale, donc l'accomplissement plus rapidement d'un corps de lumière, donc du corps de l'homme, de la femme ou de l'enfant nouveau. Ce qui fait que les deux s'amusent comme ça ensemble. C'est la manipulation. Et les prophètes s'amusent à l'intérieur de cela. On va vers ça. L'intelligence supramentale bouddhitisée. J'ai parlé de l'intelligence qui a du cœur ou qui aura du cœur. Ce que le Nazaréen avait, c'est le seul qui l'a eu. L'humain est maintenant incapable de l'avoir. L'intelligence, c'est dangereux. Quand ça doit éliminer, ça élimine. Quand ça doit taper, ça tape. Sans faire référence à ce que l'humain est et à ce que l'humain va vivre. L'intelligence qui a du cœur a la capacité de prendre en considération le règne humain, d'adoucir les choses, qui est à étirer un peu. Ça devient intelligent parce qu'esthétique pour l'intelligence qui a du cœur. Alors que l'intelligence rationnelle, l'intelligence supramentale peut créer des martyrs de la transition supramentale, elle n'a pas besoin d'esthétisme. Ce n'est pas esthétique, une guerre nucléaire, c'est efficace en maudit, bien on l'a fait. Alors que l'intelligence qui a du cœur, ce n'est pas esthétique. Il y a d'autres façons qui vont demander un peu plus d'énergie, un peu plus de temps. Mais parce que c'est esthétique, ça deviendra pour cette intelligence plus intelligent. Et ça, c'est uniquement l'homme, la femme et l'enfant qui peuvent descendre et rendre amoureuse, rendre humaine l'intelligence. Dieu n'est rien sans l'homme, l'homme n'est rien sans Dieu. De ce fait, les deux se cherchent mutuellement. L'intelligence paramentale, ce n'est rien sans l'homme, ça recherche l'homme. L'homme recherche le contact. Mais le contact a toujours créé des martyrs. Si on fait référence à l'intelligence paramentale de l'époque du Christ, le baptiste meurt à la tête tranchée, le Nazaréen, Jésus, meurt sur une croix, tous ses fidèles, la majorité, en tout cas, les martyrs, on a eu en masse, le bûcher, les pendaisons, les crucifixions, les lances, les lions, en tout cas, voulez-vous, on en a en masse. Alors qu'à un moment donné, ça doit cesser. Nostradamus ne peut pas prévoir cela pour la simple raison que ce n'est pas une prévision d'intelligence qu'il fait, c'est une prévision de mémoire. Prévision de mécanique mémorielle qui ont décidé d'un plan. Le plan des brebis, le plan du troupeau. Alors que l'intelligence crée des consciences individuelles. Et la conscience individuelle fait en sorte qu'on échappe au troupeau. Alors nécessairement, échappant au troupeau, on échappe aux prophéties. Mais échappant aux prophéties, vous échappez aussi à la sécurité de la prophétie. On doit se prendre en main seul. On tombe dans un précipice qui n'a pas de fond. C'est longuement épeurant, ça ne fera jamais mal, il n'y a pas de fond. Bon. Mais c'est toujours jusqu'à temps que tu apprennes à voler puis tu apprennes à tomber. Mais plus de problème, tu es dans l'univers. Jusqu'à temps que tu réalises qu'il y avait peut-être un fond. Non, il n'y a pas de fond. Non. Puis tu ne tombes pas, en réalité. C'est réglé. Sauf que l'humain qui panique, ben, il veut s'accrocher au bord, il remonte en haut, puis à un moment donné, ben, il cherche un fond à sa chute, alors qu'on doit s'adapter à la chute. Est-ce qu'en illusion, on peut se créer un fond puis se démolir? Ben, c'est ce que l'humain fait. Tous les concepts traditionnels, les religions, les finalités, ce sont des fonds. Par exemple, pourquoi évoluer? Pour rejoindre Dieu, c'est un fond. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le fond, une fois qu'on a rejoint Dieu? On fond dur. Hein? Bon, oui, c'est ça, on est rendu dans le fond. Mais quand on a de l'intelligence, ce qu'on recherche, c'est un trou sans fond. Mais là, l'ego a peur là-dedans. Parce que l'ego va me dire, par exemple, oui, bon, une fois qu'on est rendu là, après, il y a quoi? Il y a d'autres choses. Quoi? Ben, il y a telle affaire. Bon, après. Puis l'ego ne peut pas conscientiser de l'infini. De ce fait, il aura toujours la fièvre de « montre-moi le fond ». Il n'y a pas de fond parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus rien. Il n'y aura pas de début, il n'y aura pas de côté, il n'y aura pas de latéralité, il n'y aura pas d'auteur, il n'y aura pas de basseur, il n'y aura rien. Mais pour l'ego, ça fait partie de choses qu'il ne peut pas conscientiser. Ça le fait éclater, il a peur encore une fois. Michel de Notre-Dame ne peut prévoir cela. C'est comme ça qu'on s'en débarrasse finalement de l'ego. S'il y a peur de tomber dans le trou, il n'y aura pas lui. C'est une chose. Mais tant que tu restes dans le corps physique, tous les égos qui vont être rejetés par vous-même, ces égos-là vont renforcer l'antihomme planétaire, qui lui a comme fonction de venir vous tapocher. C'est mieux de le digérer. Si on peut pas, ben tant pis. On n'est pas pour s'en faire en plus. Hein, si on aurait été bâti pour le faire, on l'aurait fait, alors c'est pas notre faute. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que ce que Michel de Notre-Dame ne peut pas prévoir, c'est la finalité sans fond. Moi, je dis souvent aux séminaristes que le rôle fondamental de l'homme, donc de la femme et de l'enfant, c'est de résorber l'univers. La théologie va dire que notre rôle est de retourner vers Dieu. Imaginez que Dieu crée la terre et le ciel pour l'homme. L'homme retourne vers Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut que la planète? Ben, il y a des faits. Et qu'est-ce qu'il fait avec le système solaire? Ben, il défait. Qu'est-ce qu'il fait avec la galaxie? Ben, il y a des faits. Avec l'univers, ben, il défait. Avec le super-univers, ben, il défait. Avec la création, ben, finalement, il n'y a plus rien. Et moi, je dis souvent que quand l'homme aura fini son rôle, quand il l'aura accompli, l'univers n'aura jamais existé. Mais encore une fois, pour un ego qui est assujetti, hein, qui est dans un carcan qu'on appelle le temps, ben, non, ça va avoir existé. Et non. Parce que même dans la conscience de l'homme, il n'y aura pas de mémoire. C'est là que c'est dangereux de tomber quand tu t'arrêtes. C'est dangereux de tomber, c'est dangereux d'arriver. Tu tombes. Quand tu t'arrêtes à penser à ça, l'ego panique. Voilà, c'est arrêté, c'est ce que je dis, c'est dangereux d'arriver. Faut pas t'arrêter. Non, parce que t'es arrivé chez les Mormons, t'as-tu compris? T'es arrivé chez les Jéhovah, t'es arrivé chez les Christians, t'es arrivé même chez Daniel Kemp. Quand tu penses être arrivé, paf! Mais là, maintenant, t'es fini. Faut jamais que tu penses être arrivé. On est en mouvement, on bouge. Alors, tu n'es jamais arrivé. C'est quel problème? L'ego veut arriver. L'ego, il se cherche un endroit où enfin ils pourront se reposer d'un voyage qu'ils n'ont jamais fait. Ah oui! C'est les religions qui viennent chez vous. On cogne à votre porte. C'est pas... on n'a pas marché beaucoup. Ça vient dans notre conscience. Ça vient, bon, etc. Alors, on ne doit pas s'arrêter. On ne doit pas non plus chercher un fond. Parce qu'on appelle le vide existentiel, quand tu n'as plus de raison d'être, tu ne sais plus pourquoi tu es là. Mais là, quand tu dis des affaires comme ça, qu'on s'en retourne vers rien, on n'est rien, on n'est pas là, on n'a pas été là, on ne sera pas là. On est... Qui suis-je? Où vais-je? Puis il n'y a pas... Voilà. Oui. Donc, pour l'ego, c'est pas rassurant. D'ailleurs, c'est évident que c'est pas rassurant. Oui, maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que vous n'êtes pas que de l'ego. Je l'ai expliqué souvent aussi, qu'on n'est pas que de la mémoire. Parce qu'à un moment donné, vous faites des choses que vous trouvez stupides. Vous qui trouvez ça stupide, c'est vous. Hein, vous, vous êtes loin d'être éliminé. Mais qui vous manipule à faire des choses stupides, c'est ça qui s'en va. Et c'est ça qui veut trouver un fond. Puis c'est ça qui veut s'accrocher. Quand vous allez être divinisé, ben vous ne serez plus vous-même. Hein? Plus de relations sexuelles, messieurs. J'ai connu beaucoup d'intervieweurs qui me disaient « Ah, crème, j'ai pas hâte. » Mais oui! Je pensais que tu pensais plus ce que je pensais. J'ai rien dit. Mais je voulais pas le dire. J'ai non. connu. Ouais, c'est ça, les autres. N'empêche, pas bibliquement, hein? Entendons-nous. J'ai rencontré. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que donc, il y a une partie... dans l'homme, et non pas une partie de l'homme, qui cherche à être sauvé, qui cherche à fuir, qui cherche à arriver, qui cherche à se suicider, qui cherche à vivre, qui cherche à n'avoir jamais existé, qui cherche le plaisir, qui fuit la souffrance, etc. C'est l'animal humain, c'est l'âme. Mais c'est pas l'homme. L'homme, ce n'est pas de l'âme. Toutes les religions sont basées sur une chose. Prenons l'exemple. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton corps, de tout ton âme, de tout ton esprit. Et par la suite, les religions amiques vont dire que l'esprit passe à ses secondaires. L'âme est plus importante. Alors, pourquoi on doit aimer de tout notre corps, de tout l'âme, de tout l'esprit? Bien, c'est d'abord, le corps est supérieur si l'âme est inférieure et que l'esprit est inférieur à l'âme. Mais si on dit le corps, c'est inférieur, bien, d'abord, c'est placé par ordre croissant. Le corps, deuxièmement l'âme, troisièmement l'esprit, l'espiritualisation. L'esprit saint. Sauf que toute la stratégie astrale était basée sur l'âme. Sauvez vos âmes. Mais actuellement, avec vous autres dedans. Actuellement, les trois sont d'égale importance. Parce que l'esprit ne peut pas entrer dans le corps physique s'il n'y a pas l'âme. Oui, si là, tu fais comme moi, tu compliques tout en simplifiant. OK, c'est sûr. Ta tête est aussi importante que tes oreilles, aussi importante que tes mains. C'est évident. Sauf qu'en termes de supériorité, c'est la tête qui dirigera les mains. Puis si la tête dirige les mains vont faire des choses plus intelligentes que si les mains se dirigent de par elles-mêmes. Bon, t'as pas de tête, ça se promène, ça va renverser de l'autre. Excusez, tu sais, puis ça, bon, des choses comme ça. Puis si la tête dirige les choses au complet, ça la renverse dans le bon sens, ou ça la renverse pas. Bon, ce qu'on doit donc bien comprendre, c'est que on parle du corps, on parle de l'âme, on parle de l'esprit, alors que toute la stratégie... Non. C'est moi qui donne les exemples. C'est correct. Imaginez que le gros cochon qui est là... L'être humain doit donc bien comprendre que quand je dis qu'à un moment donné, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus rien pour l'ego, il n'y aura plus de paramètres, c'est tout. Imaginez que vous avez un bonheur sans fin. Il n'y a pas un ego qui peut vivre ça. C'est plate parce que tu n'as pas de référence. Pour Mais non, il n'y a rien. À un moment donné, il va dire, écoute, arrêtons tous. Hey, on est bien en maudit. Là, on ne vit plus, là. Là, on mijote dedans. Mais là, on n'est plus bien, là. Mais l'ego, maintenant, sait qu'il est bien. Alors que si c'est totalement vivant, dans un présent d'instantanéité, l'ego ne le sait pas. Mais vous allez le savoir, pas l'ego. Pour plusieurs, il y a encore une difficulté à faire la démarcation. Mais c'est très simple. Chaque fois que vous faites quelque chose, posez-vous la question, c'est vous autres qui le voulez. C'est bien banal. C'est qu'au lieu de savoir qu'on est heureux, on serait heureux. Eh oui. Toujours. Alors tu ne transpires plus parce que tu n'as plus d'ego. Bon, tu n'as pas, mais tu ne t'ennuies plus parce que tu n'as plus d'ego. Tu n'es pas en colère, tu n'es pas jaloux, tu n'as pas hâte, tu n'as pas peur. Tu n'es pas tanné. Et pour un ego, il va se dire, écoute, mais tu es totalement robotisé. Mais non, l'ego est totalement robotisé. On a plein de livres épais qu'on appelle psychologie. On sait tout ce qu'un individu va faire dans telle ou telle circonstance, en fonction de son ego. Hein? On a même la neurolinguistique maintenant. Vous soyez de même, vous faites telle chose. Faites comme ça, telle autre affaire. Faites comme ça, vous protégez. Tout le monde fait pareil. On en fait une carte. Tout le monde fait pareil. Bon, alors si c'est pas de la programmation au niveau psychologique. L'ego a peur parce que l'ego est convaincu, l'ego c'est l'échafaud, puis l'échafaud se dit qu'il est maintenant aussi important que la bâtisse. Puis si on ôte l'échafaud, l'échafaud dit à la bâtisse, si tu m'ôtes, toi la bâtisse, tu vas tomber, tu as besoin de moi. Mais c'est faux. On a encore besoin de l'ego, on a encore besoin de l'échafaud le temps qu'on se construit, mais c'est faux. Alors quand je dis que le rôle, la finalité de l'humain, c'est comme les religions l'ont dit à l'époque, sauf les religions ne disent pas tout, l'univers n'aura jamais existé. D'ailleurs, elle n'existe même pas. Non, c'est compliqué à constater parce que quand il se tape le tibia sur un meuble, j'ai dit l'univers, j'ai pas dit le meuble ou le tibia. Il faut comprendre une chose, c'est que dans l'avenir, il y a des mécaniques qui sont importantes. Il y a présentement des pilonneurs du monde astral. J'appelle cela des pilonneurs de l'humanité. Leur rôle fondamental, ce sont des individus en contact avec l'intelligence supramentale. Leur rôle fondamental est de laisser des traces dans le monde astral pour transformer les prophéties, pour altérer les religions, pour tout transformer au complet. Je donne un exemple, il y a des individus, ce n'est pas ce qui se fait, mais l'exemple, il y a des individus qui prennent des millions de dollars, qui vont acheter de l'or, ils vont couler l'or en grosses plaques brutes, ils vont graver dessus la venue dans le passé d'un messager extraterrestre en soucoupe volante venant d'un système planétaire particulier, relié à un système solaire particulier, dans telle constellation. Et là, ils vont compter l'histoire. C'est écrit en 1991, c'est un exemple. Ils comptent l'histoire de toute l'affaire au complet. Et là, ils vont placer ça dans un endroit très sale et très vieux. Ils vont laisser ça mijoter 2-3 ans. Après, ils vont manipuler un archéologue de renommée mondiale. Et ils vont le suggérer des choses. Et lui, il va découvrir les plaques. On va trouver des plaques d'or qui, probablement, ont été gravées il y a X temps, des milliers d'années. Et ça va remettre en question toute la venue de Jésus, toute la venue de Bouddha. Et c'est un pilonneur du monde. Il y a des pilonneurs qui travaillent présentement. Mais ça va engendrer dans l'avenir des dangers. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont arriver dans l'avenir qui vont nous attirer, nous allécher, qui ce sera des signes de ne pas y aller. D'autres choses qui vont nous attirer ou qui vont nous faire fuir, ça des signes d'y aller. C'est le sujet de façon la semaine prochaine. Ce que j'allais dire, la semaine prochaine, le titre, Les pièges de l'avenir, le 19 octobre. Bonne fin de semaine. La semaine prochaine, on parlera de ces choses-là. En attendant, amusez-vous.